Maintenant, le récit reprenait à Lourdes, rue des Petits Fossés, une rue morne, étroite et tortueuse, qui descend entre des maisons pauvres et des murs grossièrement crépis. Au rez-de-chaussée d'une de ces tristes demeures, au bout d'une allée noire, les soubirous occupaient une chambre unique où 7 personnes s'entassaient, le père, la mère et les 5 enfants. On voyait à peine clair. La cour intérieure, toute petite et humide, s'éclairait d'un jour verdâtre. On dormait là, en tas. On y mangeait quand on avait du pain. Depuis quelque temps, le père, meunier de son état, trouvait difficilement du travail chez les autres. Et c'était de ce trou obscur, de cette misère basse, que, par ce froid jeudi de février, Bernadette, l'aînée, s'en était allée ramasser du bois mort, avec Marie, sa sœur cadette, et Jeanne, une petite amie du voisinage. Alors, longuement, le beau conte se déroula. Comment les 3 fillettes étaient descendues au bord du gave, de l'autre côté du château? Comment elles avaient fini par se trouver dans l'île du Chalet, en face du rocher de Massabielle, dont les séparaient seulement les 3 chenals du moulin de sa vie. C'était un lieu sauvage, où le berger commun conduisait souvent les porcs du pays, qui, par les averses brusques, s'abritaient sous ce rocher de Massabielle, que creusait à sa base une sorte de grotte, peu profonde, obstruée d'églantiers et de ronces. Le bois mort était rare. Marie et Jeanne traversèrent le chenal en apercevant de l'autre côté tout un glanage de branches, charriées et laissées là par le torrent, tandis que Bernadette, plus délicate, un peu demoiselle, restait sur la rive à se désespérer, n'osant se mouiller les pieds. Elle avait de la gourme à la tête. Sa mère lui avait bien recommandé de s'envelopper avec soin dans son capulet, un grand capulet blanc qui tranchait sur sa vieille robe de laine noire. Quand elle vit que ses compagnes refusaient de l'aider, elle se résigna à quitter ses sabots et à retirer ses bas. Il était environ midi. Les 9 coups de l'Angélus devaient sonner à la paroisse, dans ce grand ciel calme d'hiver, voilé d'un fin duvet de nuages. Et ce fut alors qu'un grand trouble monta en elle, soufflant dans ses oreilles avec un tel bruit de tempête qu'elle crut entendre passer un ouragan descendu des montagnes. Elle regarda les arbres, elle fut stupéfaite, car pas une feuille ne remuait. Puis, elle pensa s'être trompée, et elle allait ramasser ses sabots lorsque, de nouveau, le grand souffle la traversa. Mais cette fois, le trouble des oreilles gagnait les yeux. Elle ne voyait plus les arbres. Elle était éblouie par une blancheur, une sorte de clarté vive qui lui parut se fixer contre le rocher, en haut de la grotte, dans une fente mince et haute, pareille à une ogive de cathédrale. Effrayée, elle tomba sur les genoux. « Qu'était-ce donc, mon Dieu ?» Parfois, au vilain temps, lorsque son asthme l'oppressait davantage, elle rêvait pendant des nuits entières, des rêves souvent pénibles, dont elle gardait l'étouffement au réveil, même lorsqu'elle ne se souvenait de rien. Des flammes l'entouraient, le soleil passait devant sa face. Avait-elle ainsi rêvé la nuit précédente? Était-ce la continuation de quelques songes oubliés? Puis, peu à peu, une forme s'indiqua. Elle crut reconnaître une figure que la vive lumière faisait toute blanche. Dans la crainte que ce ne fût le diable, la cervelle hantée d'histoire de sorcière, elle s'était mise à dire son chapelet. Et, quand la lumière éteinte peu à peu, elle eut rejoint Marie et Jeanne, après avoir traversé le chenal, elle fut surprise que ni l'une ni l'autre n'eussent rien vu pendant qu'elle ramassait du bois devant la grotte. Et, en revenant à Lourdes, les 3 fillettes causèrent. Elle avait donc vu quelque chose, elle ? Mais elle ne voulait pas répondre, inquiète et un peu honteuse. Enfin, elle dit qu'elle avait vu quelque chose habillé de blanc. Dès lors, la rumeur partit de là et grandit. Les soubirous, mis au courant, s'étaient fâchés de ces enfantillages, en défendant à leur fille de retourner au rocher de Massabielle. Mais tous les enfants du quartier se répétaient déjà l'histoire. Les parents durent céder le dimanche et laisser Bernadette aller à la grotte avec une bouteille d'eau bénite pour savoir décidément si l'on n'avait pas affaire au diable. Elle revit la clarté, la figure qui se complétait, qui souriait, sans avoir peur de l'eau bénite. Et, le jeudi encore, elle revint, accompagnée d'autres personnes. Et ce fut ce jour-là seulement que la dame au vif éclat s'incarna au point de lui adresser enfin la parole. « Faites-moi la grâce de venir ici pendant 15 jours. » Peu à peu, la dame s'était ainsi précisée. Le quelque chose habillé de blanc devenait une dame plus belle qu'une reine, comme on n'en voit que sur les images. D'abord, devant les questions dont le voisinage l'accablait du matin au soir, Bernadette s'était montrée hésitante, agitée de scrupules. Puis, il avait semblé que, sous la suggestion même de ses interrogatoires, la figure se faisait plus nette, prenait une vie définitive, des lignes et des couleurs dont l'enfant, dans ses descriptions, ne devait jamais plus s'écarter. Les yeux étaient bleus et très doux, la bouche rose et souriante, l'ovale du visage avait à la fois une grâce de jeunesse et de maternité. On voyait à peine, sous le bord du voile qui couvrait la tête et descendait jusqu'au talon, la frisure discrète d'une admirable chevelure blonde. La robe, toute blanche, éclatante, devait être d'une étoffe inconnue à la terre, tissée de soleil. L'écharpe, couleur du ciel, mollement nouée, laissait pendre deux longs bouts flottants d'une légèreté d'air matinal. Le chapelet, passé au bras droit, avait des grains d'une blancheur de lait, tandis que les chaînons et la croix étaient d'or. Et sur les pieds nus, sur les adorables pieds de neige virginale, fleurissaient deux roses d'or, les roses mystiques de cette chair immaculée de mère divine. Où donc Bernadette l'avait-elle vue, cette sainte Vierge, si traditionnelle dans sa composition simpliste, sans un bijou, d'une grâce primitive de peuple enfant? Dans quel livre à images du frère de sa mère nourrice, le bon prêtre qui faisait de si belles lectures? Dans quelle statuette, dans quel tableau, dans quel vitrail de l'église peinte et dorée où elle avait grandi? Surtout, ces roses d'or sur les pieds nus, cette délicieuse imagination d'amour, cette floraison dévote de la chair de la femme, de quel roman de chevalerie venait-elle? De quelle histoire contée au catéchisme par l'abbé Adair? De quel rêve inconscient promené sous les ombrages de Bartrès, en répétant sans fin les obsédantes dizaines de la salutation angélique? La voix de Pierre s'était encore attendrie. Car, et s'il ne disait pas toutes ces choses au simple d'esprit qui l'écoutait, l'explication humaine que son doute, au fond de lui, tentait de donner à ses prodiges, rendait son récit frémissant d'une sympathique fraternité. Il aimait Bernadette davantage pour le charme de son hallucination. Cette dame d'un apport si gracieux, parfaitement aimable, pleine de politesse pour apparaître et disparaître. La grande lumière se montrait d'abord, puis la vision se formait, allait, venait, se penchait, se remuait dans un flottement insensible et léger. Et quand elle s'évanouissait, la lumière persistait un instant encore, puis s'éteignait comme un astre qui meurt. Aucune dame de ce monde ne pouvait avoir un visage si blanc et si rose, si beau de la beauté enfantine des images de première communion. Les glantiers de la grotte ne blessaient même pas ses pieds nus adorés, fleuris d'or. Et Pierre, tout de suite, raconta les autres apparitions. La quatrième et la cinquième eurent lieu le vendredi et le samedi. Mais la dame, au vif éclat, qui n'avait point encore dit son nom, se contenta de sourire et de saluer sans prononcer une parole. Le dimanche, elle pleura. Elle dit à Bernadette « Priez pour les pécheurs. » Le lundi, elle lui fit le grand chagrin de ne pas se montrer, voulant l'éprouver sans doute. Mais le mardi, elle lui confia un secret personnel qui ne devait jamais être divulgué. Puis, elle lui indiqua enfin la mission dont elle la chargeait. « Allez dire au prêtre qu'il faut bâtir ici une chapelle !» Le mercredi, elle murmura à plusieurs reprises le mot « pénitence, pénitence, pénitence » que l'enfant répéta en baisant la terre. Le jeudi, elle dit « Allez boire à la fontaine et vous y lavez, et vous mangerez de l'herbe qui est à côté. » Parole que Bernadette finit par comprendre lorsqu'une source eut jailli sous ses doigts au fond de la grotte, et ce fut le miracle de la fontaine enchantée. Ensuite, la seconde semaine se déroula. Elle ne parut pas le vendredi, elle fut exacte les 5 jours suivants. Répétant ses ordres, regardant avec son sourire l'humble fille de son choix, qui, à chaque apparition, récitait le chapelet, baisait la terre, montait sur les genoux jusqu'à la source pour boire et se laver. Enfin, le jeudi 4 mars, dernier jour des mystiques rendez-vous, elle demanda plus instamment la construction d'une chapelle, pour que les peuples s'y rendissent en procession de tous les points de la terre. Cependant, jusque-là, à toutes les demandes, elle avait refusé de répondre qui elle était. Et ce fut seulement le jeudi 25 mars, 3 semaines plus tard, que la dame, joignant les mains, levant les yeux au ciel, dit « Je suis l'Immaculée Conception ». 2 fois encore, à plus de 3 mois d'intervalle, le 7 avril et le 16 juillet, elle apparut. La première fois pour le miracle du cierge, ce cierge au-dessus duquel l'enfant laissa longtemps sa main par mégarde, sans la brûler. La seconde fois pour l'adieu, le dernier sourire et le dernier salut de gentille politesse. Cela faisait 18 apparitions bien comptées, et plus jamais elle ne se montra. Pierre s'était comme dédoublé. Tandis qu'il continuait son beau conte bleu, si doux aux misérables, il évoquait pour lui cette Bernadette pitoyable et chère, dont la fleur de souffrance avait fleuri si joliment. Selon le mot brutal d'un médecin, cette fillette de 14 ans, tourmentée dans sa puberté tardive, déjà ravagée par un asthme, n'était en somme qu'une irrégulière de l'hystérie, une dégénérée à coup sûr, une enfantine. Si les crises violentes manquaient, si elle n'avait pas dans les accès la raideur des muscles, si elle gardait le souvenir précis de ses rêves, c'était simplement qu'elle apportait le très curieux document de son cas spécial. Et l'inexpliqué seul constitue le miracle. La science sait encore si peu de choses au milieu de la variété infinie des phénomènes selon les êtres. Que de bergères, avant Bernadette, avaient ainsi vu la Vierge dans le même enfantillage. N'était-ce pas toujours la même histoire? La dame vêtue de lumière, le secret confié, la source qui jaillit, la mission à remplir, les miracles dont l'enchantement va convertir les foules. Et toujours le rêve d'une enfant pauvre, la même enluminure de paroissiens, l'idéal fait de beauté traditionnelle, de douceur et de politesse, la naïveté des moyens et l'identité du but, des délivrances de peuples, des constructions d'églises, des processions de fidèles. Puis, toutes les paroles tombées du ciel se ressemblaient, des appels à la pénitence, des promesses de secours divin, et il n'y avait ici de nouveau que cette déclaration extraordinaire « Je suis l'Immaculée Conception » qui éclatait là comme l'utile reconnaissance par la Sainte Vierge elle-même du dogme promulgué en cour de Rome 3 années plus tôt. Ce n'était pas la Vierge Immaculée qui apparaissait, mais l'Immaculée Conception, l'abstraction elle-même, la chose, le dogme, de sorte qu'on pouvait se demander si la Vierge aurait parlé ainsi. Les autres paroles, il était possible que Bernadette les eût entendues, et gardée dans un coin inconscient de sa mémoire. Mais celle-ci, D'où venait-elle donc pour apporter au dogme encore discuté le prodigieux appui du témoignage de la mère conçue sans péché? À Lourdes, l'émotion était immense. Des foules accouraient, des miracles commençaient à se produire, tandis que se déclaraient les inévitables persécutions qui assurent le triomphe des religions nouvelles. Et l'abbé Peyramale, le curé de Lourdes, un grand honnête homme, d'esprit droit et vigoureux, pouvait dire avec raison qu'il ne connaissait pas cet enfant, qu'on ne l'avait pas encore vu au catéchisme. Où était donc la pression, la leçon apprise? Il n'y avait toujours que l'enfance à Bartrès, les premiers enseignements de l'abbé Adair, des conversations peut-être, des cérémonies religieuses en l'honneur du dogme récent, ou simplement le cadeau d'une de ces médailles qu'on avait répandues à profusion. Jamais l'abbé Adair ne devait reparaître, lui qui avait prophétisé la mission de Bernadette. Il allait rester absent de cette histoire après avoir été le premier à sentir éclore la petite âme entre ses mains pieuses. Et toutes les forces ignorées du village perdu, de ce coin de verdure borné et superstitieux, continuaient pourtant à souffler, troublant les cervelles, élargissant la contagion du mystère. On se souvenait qu'un berger d'Argelès, en parlant du rocher de Massabielle, avait prédit que de grandes choses se passeraient là. D'autres enfants tombaient en extase, les yeux grands ouverts, les membres secoués de convulsions. Mais eux voyaient le diable. Un vent de folie semblait passer sur la contrée. Place du Porche, à Lourdes, une vieille dame déclarait que Bernadette n'était qu'une sorcière et qu'elle avait vu dans son œil la patte de crapaud. Pour les autres, pour les milliers de pèlerins accourus, elle était une sainte dont ils baisaient les vêtements. Des sanglots éclataient, une frénésie soulevait les âmes lorsqu'elle tombait à genoux devant la grotte, un cierge allumé dans sa main droite, égrenant de la gauche son chapelet. Elle devenait très pâle, très belle, transfigurée. Les traits remontaient doucement, s'allongeaient en une expression de béatitude extraordinaire, pendant que les yeux s'emplissaient de clarté et que la bouche entr'ouverte remuait, comme si elle eût prononcé des paroles qu'on n'entendait pas. Et il était bien certain qu'elle n'avait plus de volonté propre, envahie par son rêve, possédée à ce point par lui, dans le milieu étroit et spécial où elle vivait, qu'elle le continuait même éveillé, qu'elle l'acceptait comme la seule réalité indiscutable, prête à la confesser au prix de son sang, la répétant sans fin et si obstinant, avec des détails invariables. Elle ne mentait pas, car elle ne savait pas, ne pouvait pas, ne voulait pas vouloir autre chose. Pierre, maintenant, s'oubliait à faire une peinture charmante de l'ancien Lourdes, de cette petite ville pieuse endormie au pied des Pyrénées. Autrefois, le château, bâti sur son rocher, au carrefour des sept vallées du Lavedan, était la clé des montagnes. Mais aujourd'hui, démantelé, il n'était plus qu'une masure tombant en ruine à l'entrée d'une impasse. La vie moderne venait buter là, contre le formidable rempart des grands pics neigeux. Et seul le chemin de fer transpyrénéen, si on l'avait construit, aurait pu établir une active circulation de la vie sociale dans ce coin perdu, où elle stagnait comme une eau morte. Oubliez donc, Lourdes sommeillait, heureux et lent, au milieu de sa paix séculaire, avec ses rues étroites, pavées de cailloux, ses maisons noires, aux encadrements de marbre. Les vieilles toitures se massaient toutes encore à l'est du château. La rue de la Grotte, qui s'appelait la rue du Bois, n'était qu'un chemin désert, impraticable. Aucune maison ne descendait jusqu'aux gaves, roulant alors ses eaux écumeuses à travers l'absolue solitude des saules et des hautes herbes. Sur la place du Marcadal, on voyait de rares passants en semaine, des ménagères qui se hâtaient, des petits rentiers promenant leurs loisirs. Et il fallait attendre le dimanche ou les jours de foire pour trouver, au champ commun, la population endimanchée, la foule des éleveurs descendus des lointains plateaux avec leurs bêtes. Pendant la saison des eaux, le passage des baigneurs de Cauterets et de Bagnères donnait aussi quelque animation. Des diligences traversaient la ville deux fois par jour, mais elles arrivaient de Pau par une route détestable, et il fallait passer à gué le Lapaca, qui débordait souvent. Puis on montait la raide chaussée de la rue basse, on longeait la terrasse de l'église, ombragée de grands ormeaux. Et quelle paix autour de cette vieille église, dans cette vieille église, à demi espagnole, pleine d'anciennes sculptures, des colonnes, des rétables, des statues, peuplées de visions d'or et de chair peinte, cuites par le temps, comme entrevues à la lueur de lampes mystiques. Toute la population venait là pratiquer, s'emplir les yeux de ce rêve du mystère. Il n'y avait pas d'incrédules. C'était le peuple de la foi primitive. Chaque corporation marchait sous la bannière de son saint. Des confréries de toutes sortes réunissaient la cité entière, au matin de fête, en une seule famille chrétienne. Aussi, comme une fleur exquise poussée dans un vase d'élection, une grande pureté de mœurs régnait-elle. Les garçons ne trouvaient même pas pour se perdre un lieu de débauche. Toutes les filles grandissaient en parfum et en beauté d'innocence sous les yeux de la Sainte Vierge, tour d'ivoire et trône de sagesse. Et comme l'on comprenait que Bernadette, née de cette terre de sainteté, y eût fleuri telle qu'une rose naturelle, éclose sur les églantiers du chemin. Elle était la floraison même de ce pays ancien de croyance et d'honnêteté. Elle n'aurait certainement pas poussé ailleurs. Elle ne pouvait se produire et se développer que là, dans cette race attardée, au milieu de la paix endormie d'un peuple enfant, sous la discipline morale de la religion. Et quel amour avait tout de suite éclaté autour d'elle! Quelle foi aveugle en sa mission! Quelle consolation immense! Et quel espoir dès les premiers miracles! Un long cri de soulagement venait d'accueillir les guérisons du vieux Bourriette, recouvrant la vue, et du petit Justin Bouhort, ressuscitant dans l'eau glacée de la fontaine. Enfin, la Sainte Vierge intervenait en faveur des désespérés, forçait la nature marâtre à être juste et charitable. C'était le règne nouveau de la toute-puissance divine qui bouleversait les lois du monde pour le bonheur des souffrants et des pauvres. Les miracles se multipliaient, ils éclataient plus extraordinaires de jour en jour, comme les preuves indéniables de la véracité de Bernadette. Et elle était bien la rose du parterre divin, dont l'œuvre embaume qui voit naître autour d'elle toutes les autres fleurs de la grâce et du salut. Pierre en était arrivé là, disait de nouveau les miracles, allait continuer par le prodigieux triomphe de la grotte, lorsque sœur Hyacinthe, réveillée en sursaut du charme où le récit la tenait, se mit vivement debout. « En vérité, il n'y a pas de bon sens. 11 heures vont bientôt sonner. » C'était vrai. On avait dépassé Mont-Sanx, on arrivait à Mont-de-Marsan. Et elle tapa dans ses mains. « Le silence, mes enfants, le silence !» Cette fois, on n'osa pas se révolter, car elle avait raison, ce n'était guère sage. Mais quel regret, ne pas entendre la suite, rester ainsi au beau milieu de l'histoire. Les 10 femmes, dans le compartiment du fond, laissèrent même entendre un murmure de désappointement, tandis que les malades, la face toujours tendue, les yeux grands ouverts sur la clarté d'espoir, là-bas, semblaient écouter encore. Ces miracles, qui revenaient sans cesse, finissaient par les hanter d'une joie énorme et surnaturelle. « Et, ajouta la religieuse gaiement, que je n'en entende plus une souffler, autrement je la mets en pénitence. » Madame de Jonquière eut un rire de bonhomie. « Obéissez, mes enfants, dormez, dormez gentiment pour avoir la force demain de prier de tout votre cœur à la grotte. » Alors le silence se fit, Personne ne parla plus. Et il n'y eut plus que le grondement des roues, les secousses du train emporté à toute vapeur dans la nuit noire. Pierre ne put dormir. À côté de lui, M. de Guersin ronflait déjà légèrement, l'air bien heureux, malgré la dureté de la banquette. Longtemps, le prêtre avait vu les yeux de Marie, grands ouverts, pleins encore de l'éclat des merveilles qu'il venait de conter. Elle les tenait ardemment sur lui. Et puis, elle les avait fermés, et il ne savait pas si elle sommeillait ou si elle revivait, paupières closes, le continuel miracle. Maintenant, des malades rêvaient tout haut, avaient des rires que des plaintes coupaient, inconscientes. Peut-être voyaient-ils les archanges fendre leur chair pour en arracher le mal. D'autres, pris d'insomnie, se retournaient, étouffaient un sanglot, regardaient l'ombre fixement. Et Pierre, frémissant de tout le mystère évoqué, éperdu et ne se retrouvant pas, dans ce milieu délirant de fraternité souffrante, finissait par détester sa raison, en communion étroite avec ses humbles, résolu à croire, comme eux. À quoi bon cette enquête physiologique sur Bernadette, si compliquée, si pleine de lacunes? Pourquoi ne pas l'accepter ainsi qu'une messagère de l'au-delà, une élue de l'inconnu divin? Les médecins n'étaient que des ignorants, des mains brutales, tandis qu'il serait si doux de s'endormir dans la foi des petits-enfants, aux jardins enchantés de l'impossible. Il eut enfin un délicieux moment d'abandon, ne cherchant plus à rien s'expliquer, acceptant la voyante avec son cortège somptueux de miracles, s'en remettant tout entier à Dieu pour penser et vouloir à sa place. Et il regardait au dehors par la glace, qu'on osait baisser à cause des phtisiques. Et il voyait la nuit immense, baignant la campagne, au travers de laquelle le train fuyait. L'orage devait avoir éclaté là. Le ciel était d'une pureté nocturne admirable, comme lavé par les grandes eaux. De larges étoiles luisaient sur ce velours sombre, éclairant seules d'une mystérieuse lueur les champs rafraîchis et muets, qui déroulaient à l'infini la noire solitude de leur sommeil. Par les landes, par les vallées, par les coteaux, le wagon de misère et de souffrance roulait, roulait toujours, surchauffé, empesté, lamentable et vagissant, au milieu de la sérénité de cette nuit auguste, si belle et si douce. À 1 heure du matin, on avait passé à Riscle. Le silence continuait, pénible, halluciné, parmi les chaos. À 2 heures, à Vic de Bigorre, il y eut des plaintes sourdes. Le mauvais état de la voix secouait les malades, dans une trépidation insupportable. Et ce fut seulement après Tarbes, à 2h30, qu'on rompit enfin le silence et qu'on récita les prières du matin, encore en pleine nuit noire. C'était le pater et l'ave, c'était le credo, c'était l'appel à Dieu, pour lui demander le bonheur d'une journée glorieuse. Oh mon Dieu, donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal, pour pratiquer tout le bien, pour souffrir toutes les peines. Maintenant, on ne devait plus s'arrêter qu'à Lourdes. Encore 3 quarts d'heure à peine, et Lourdes flambait, avec son immense espoir, au fond de cette nuit si cruelle et si longue. Le réveil pénible en était enfiévré, une agitation dernière montait, au milieu du malaise matinal, dans l'abominable souffrance qui recommençait. Mais sœur Hyacinthe, surtout, s'inquiétait de l'homme, dont elle n'avait pas cessé d'éponger la face, couverte de sueur. Il avait vécu jusque-là, elle le veillait, n'ayant pas fermé les yeux un instant, écoutant son petit souffle, avec l'entêté désir de le mener au moins jusqu'à la grotte. Elle eut peur brusquement, et, s'adressant à madame de Jonquière, « Je vous en prie, faites-moi vite passer la bouteille de vinaigre, je ne l'entends plus souffler. » En effet, depuis un instant, l'homme n'avait plus son petit souffle. Ses yeux étaient toujours fermés, sa bouche entr'ouverte, mais sa pâleur n'avait pu croître, Il était froid, couleur de cendre. Et le wagon roulait avec son bruit de ferraille secoué. La vitesse du train semblait grandir. « Je vais lui frotter les tempes !» reprit sœur Hyacinthe. « Aidez-moi !» L'homme, tout d'un coup, à un chaos plus rude, tomba la face en avant. « Ah, mon Dieu, aidez-moi, ramassez-le donc !» On le ramassa. Il était mort. Et il fallut le rasseoir dans son coin, le dos contre la cloison. Il restait droit, le torse raidi. Il n'avait qu'un petit balancement de la tête à chaque secousse. Le train continuait à l'emporter dans le même grondement de tonnerre, tandis que la locomotive, heureuse d'arriver sans doute, poussait des sifflements aigus, toute une fanfare de joie déchirante à travers la nuit calme. Alors, pendant une interminable demi-heure, le voyage s'acheva avec ce mort. Deux grosses larmes avaient roulé sur les joues de sœur Hyacinthe, puis, les mains jointes, elle s'était mise en prière. Tout le wagon frémissait dans la terreur de ce terrible compagnon qu'on amenait trop tard à la Sainte Vierge. Mais l'espérance était plus forte que la douleur. Tous les maux entassés là avaient beau se réveiller, s'accroître, s'irriter sous l'écrasante fatigue. Un chant d'allégresse n'en sonnait pas moins l'entrée triomphale sur la terre du miracle. Les malades venaient d'entonner l'Ave Maris Stella, au milieu des pleurs que la souffrance leur arrachait, exaspérés et hurlants, dans une clameur croissante où les plaintes s'achevaient en cris d'espoir. Marie reprit la main de Pierre entre ses petits doigts fiévreux. « Oh mon Dieu, cet homme qui est mort, et moi qui craignais tant de mourir avant d'arriver. Et nous y sommes enfin !» Le prêtre tremblait d'une émotion infinie. « C'est que vous devez guérir, Marie, et que je guérirai moi-même si vous priez pour moi. » La locomotive sifflait plus violente au fond des ténèbres bleues. On arrivait, les feux de Lourdes brillaient à l'horizon. Tout le train chantait un cantique encore, l'histoire de Bernadette, l'infinie complainte de 6 dizaines de couplets, où la salutation angélique revient sans cesse en refrain, obsédante, affolante, ouvrant le ciel de l'extase.